A deranged ego trip, starts off with self-confidence, obviously conceited and Miss America prominent. You're now on the same idiotic path as Brandy, you won't sign a freaking autograph. I'm so sad. Your biggest fan pulls up next to you in a minivan. You hit the gas extremely fast, turn the corner and crash. I'm saying thanks to the airbag for smearing your mask, revealing multiple facelifts. Oh well, with a drag. Cause sometimes you brag about things you have, and constantly you're licking the rearview mirror, you jag. You just wanna combust the faith of these devious fags and mace them with black flag and dump these hags in the trash. My self-confidence builds up when I buy Axe. Watch the women roll up as I spray it all over my abs. Confidence goes either way, and it can be good or bad. Hell, I'm saying that cause I lack it. If you run away, that self-confidence comes and goes and it shows. So if you're feeling down, you shouldn't care, cause everyone knows negativity goes, trying to make your self-confidence disappear. No need to fear if the inner you was never blue, and it's always true with no care. Self-confidence can be good or bad. If you ain't sure, then you're lacking it. J'ai vu ma confiance échapper, en tremblé tellement déçu. Rester cloîtré dans une pièce, là, chercher une issue. Comment passer le cap? J'ai le cœur bousillé. Si je craque, c'est ma mort. Entre quatre planches assurées, j'ai la tête entre les mains. Les doigts de pied recroquevillés. Le corps tendu de la sueur sur le front, je suis fusillé. Laissez-moi, je vais être seul dans mes pensées. Mais en fait, j'aimerais parler avec vous. Ma confiance, cette traîne m'a laissé ici en blanc. Devant face à mon miroir, devant faire face à moi-même. Et à cogiter chaque soir. Le regard de ma femme, c'est ce regard incompris qui me pousse, me motive à relever le défi de m'éluer. La pente est remontée, tout devient plus fluide. Vas-y, viens me démonter, j'ai absorbé l'énergie. Positiver ma vie, ma confiance est revenue grâce à ma femme et mes petits. If you run away, that self-confidence comes and goes and it shows. So if you're feeling down, you shouldn't care, cause everyone knows negativity goes, trying to make your self-confidence disappear. No need to fear if the inner you was never blooming, and it's always true with no care. But self-confidence can be good or bad. If you ain't sure, then you're lacking it. J'ai plus confiance en ma vie, en mon avenir. Pas à pas sur mon chemin, en évitant que ma vie chavire. Comment garder la paix, j'ai le demain sur la tête. La fumée qui me brûle, tous les jours je me dis que j'arrête. La méfiance et ma vie confiance, un conseil fait garde. Ta conscience perturbée tôt ou tard, tu prends des claques. Les potes se dispotent, les dents filent sans capote. Et regarde que les principes, c'est devenu des vrais salopes. Et y'a ceux qui parlent sur mon dos, sur ma vie, sur mon flow. Et je mouille le maillot en fumant du bédo. Otage du match, je suis forcé de faire confiance. J'écris ma douleur, ma prime. Mélanger adolescence, un encrier rempli de fumée. Une feuille pleine de radure, un peu de rupture. Mon cœur a besoin de points de suture. Une vie menottée par le shit, pas par la tease. Nous, nouveau départ, signé Wanted Music. If you run away, that self-confidence comes and goes and it shows. So if you're feeling down, you shouldn't care, cause everyone knows negativity goes, trying to make your self-confidence disappear. No need to fear if the inner you was never blooming, and it's always true with no care. But self-confidence can be good or bad. If you ain't sure, then you're lacking it. If you run away, if you're feeling down, you shouldn't care. Self-confidence disappear, and it's always true with no care. But self-confidence can be good or bad. If you ain't sure, then you're lacking it.